Bismillahir Rahman Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. L'emprise des mécréants sur les musulmans et l'autorité qu'ils ont sur eux ne sont la conséquence que de l'augmentation des péchés des musulmans. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Concrètement, toutes ces choses qui se passent entre les musulmans, comme manque de véracité, d'honnêteté et de sincérité, et surtout leur manquement à leurs devoirs religieux, ont été la cause de la domination des mécréants sur eux. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Certes, les musulmans se sont trop opposés au commandement de leur religion, ce qui les a conduits à être avilis, ainsi qu'à ce que soit renforcée l'autorité et la suprématie des mécréants sur eux. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Toute cette affaire est relative à l'attachement que les musulmans ont pour leur religion. Ainsi, s'ils s'y attachent fortement, Allah Azzawajal leur fera honneur et les rendra puissants sur terre. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Voilà la conclusion concernant ce point très important, à savoir que l'emprise que les mécréants ont sur les musulmans n'est due qu'à l'engourdissement des musulmans et leur négligence quant à leur pratique de leur religion. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Donc il est inutile que les musulmans se perdent sur la question concernant les origines de l'emprise que les mécréants ont sur eux. Mais ils devraient plutôt orienter leur réflexion sur leur propre personne et se remettre en question. Sermon numéro 19. Asbab tasallut al-kafirin ala al-muslimin. Les raisons qui expliquent l'emprise des mécréants sur les musulmans. Donc, ce qu'il arrive actuellement aux musulmans n'est dû qu'à leur péché et à leur éloignement de la religion, de même que l'absence de mise en pratique du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah, azza wa jalla, que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous reportons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre saint, le Coran, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Ce verset est un des nombreux versets qui montrent clairement la distinction qu'il y a entre celui qui obéit à Allah et celui qui lui désobéit. Et du même ordre, la parole d'Allah Azza wa Jalla, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Traiterons-nous les musulmans à la manière des criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et aussi, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc celui qui est avisé au sujet de la religion islamique et qui adore Allah Azza wa Jalla n'est pas pareil à celui qui l'ignore, ni n'adore Allah Azza wa Jalla. Et tous ces versets informent des mérites des musulmans et de l'islam, ainsi que l'avilissement des mécréants et de la mécréance. Et il existe encore bien d'autres versets qui informent de cela. Car Allah Azza wa Jalla a décrit les mécréants comme étant les pires des créatures qui existent. C'est lui qui en effet dit « Inna alladhina kafaru min ahli الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Certes les mécréants parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que les polythéistes, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé que les mécréants étaient maudits. Il a ainsi dit Azza wa Jalla, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Les mécréants parmi les Banu Israël, les descendants de Yaqub, Joseph, alayhissalam, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ont été maudits de la bouche de Daoud, David, et de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient les ordres. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est certes mauvais ce qu'ils faisaient. Tu vois un grand nombre d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est certes mauvais ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, gagnant ainsi la colère d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Et parallèlement à cela, Allah Azza wa Jalla a fait les éloges des croyants, et il nous a informé qu'il les a honorés en leur donnant la puissance. Or, c'est en Allah qu'est la puissance, ainsi qu'en son messager et aux croyants. Et il nous a également exposé qu'ils étaient ses alliés et qu'il était leur protecteur. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Cela parce que Allah est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Et il a aussi dit اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah est le défenseur des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Mais quant aux mécréants, leur défenseur est le Tâghût, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu de l'enfer, et ils y demeureront éternellement. Et Allah Azza wa Jalla a dit Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Certes mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran, et c'est lui qui se charge de la protection des gens pieux. De là, un problème s'est posé chez certaines personnes au sujet de l'emprise que les mécréants ont sur les croyants et les musulmans depuis bien longtemps déjà, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors que les musulmans sont les alliés d'Allah, chacun selon son niveau de soumission, tandis que les mécréants sont ses ennemis. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna Allah aduwan lil kafirin. Quiconque sera l'ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, et de l'ange Jibril, Gabriel, et de l'ange Mikael, Mikael, sachez alors qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Et Allah Azza wa Jalla nous a certes exposé la solution à ce problème dans son livre. Cela se passa le jour de la bataille de Uhud, lorsque les musulmans avaient subi une défaite cuisante de la part des polythéistes. Ainsi, le même problème se posa, et Allah tabaraka wa ta'ala nous en informa de la sorte: awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. N'avez-vous pas dit, après avoir subi un revers de bataille, alors que vous en aviez jadis infligé à vos adversaires le double, pourquoi avons-nous subi cette défaite? Réponds-leur alors, ô toi Muhammad, cela ne provient que de vous-même. Allah Azza wa Jalla nous exposa ainsi que ce malheur qui les avait atteints n'était la conséquence que de leurs propres actions, et qu'il leur avait ensuite pardonné. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans sa parole: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ. Et Allah a certes tenu sa promesse envers vous lorsque vous les tuiez sans relâche. C'est-à-dire que les compagnons avaient affligé une correction pour les théistes et les avaient battus sèchement, et que ce fut une très grande victoire pour les musulmans le jour de Uhud. Puis Allah subhanahu wa ta'ala informa que les événements prirent une toute autre tournure, et qu'il décréta que les mécréants prendraient le dessus sur les musulmans dans certaines situations dans sa parole: hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum. Jusqu'à ce que vous fléchissiez et que vous vous disputiez à propos de l'ordre qui vous avait été donné, et que vous transgressiez son commandement, après qu'Allah vous eût montré ce que vous aimiez, c'est-à-dire le butin. En effet, il en est parmi vous qui désiraient les biens de la vie d'ici-bas, et d'autres qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait rebrousser chemin face à eux, afin de vous éprouver, et il vous a certainement pardonné tout cela. Il s'agit là de quatre points et événements qui ont engendré ce qui a été cité dans le précédent verset, et qui fut la cause de leur mise à l'épreuve par Allah Azza wa Jalla avant qu'il ne leur pardonne. Hatta idha fashiltum, jusqu'à ce que vous fléchissiez. Car parmi les raisons qui expliquent la faiblesse des musulmans à différents niveaux et l'autorité que les mécréants ont sur eux, il y a le fléchissement et la mésentente. Car la mésentente et le fléchissement sont deux choses liées. Ainsi, s'il apparaît une dissension entre les gens, il en résultera fatalement un fléchissement de leur part. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez de votre force. Et patientez avec endurance, car Allah est avec les endurants. Ainsi, après que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur émir, commanda aux archers de garder leur position sur la montagne, comme il leur avait dit, et ne descendez pas récupérer le butin. Mais que certains des archers dirent, une fois que le mécréant avait été écrasé, Allah nous a certes donné la victoire, et qu'ils descendirent pour ramasser le butin. Dès lors, la discorde se produisit. Référence faite au verset l'ordonnez, watanazatum fil amr, et que vous vous êtes disputé à propos de l'ordre qui vous avait été donné. Et ce fut là une transgression au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur avait ordonné de rester à leur place sur la montagne et en aucun cas de descendre, quand bien même ils auraient été attaqués et happés par des oiseaux. Et que vous avez désobéi après qu'Allah vous eut montré ce que vous aimez. Et il est question ici de leur descendre de la montagne afin de s'emparer du butin. Qu'Allah décrivit dans sa parole, il en était parmi vous qui désirait les biens de la vie d'ici-bas. Puis il vous a fait rebrousser chemin face à eux afin de vous éprouver. Et ce verset explique et éclaircit la parole d'Allah Azza wa Jalla suivante. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. N'avez-vous pas dit, après avoir subi un revers de bataille, alors que vous en aviez jadis infligé à vos adversaires le double, pourquoi avons-nous subi cette défaite? Réponds-leur au doigt Muhammad, cela ne provient que de vous-même. C'est-à-dire que c'est à cause de ces quatre événements qui se sont produits de leur part que s'est produit ce drame. Car le Coran s'explique par le Coran. Ô vous les gens, l'emprise des mécréants sur les musulmans et l'avilissement dont ces derniers sont sujets ne sont pas dus au grand nombre des mécréants, ni non plus à cause de leur force, aucunement par Allah. Mais cela est plutôt dû à la faiblesse des musulmans. Car Allah Azza wa Jalla nous a informé que la cause de cette situation n'est pas en rapport avec les mécréants eux-mêmes. Inna Allah yudafiru anil ladina amanu, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah défend les croyants, Allah n'aime pas les traîtres ingrats. Ainsi, Allah aime les croyants et déteste les traîtres. Et les plus grands traîtres qui existent sont les mécréants. Malgré cela, il ne s'agit pas là de la raison qui justifie la faiblesse des musulmans, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a clairement expliqué. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand vos ennemis vinrent à vous en très grand nombre pour vous combattre, et que nous envoyâmes contre eux un vent et des armées invisibles, les anges, et Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent de toutes parts et que vos regards se troublèrent et que vos cœurs remontèrent à vos gorges et que vous pensiez sur Allah toutes sortes de suppositions, à ce moment les croyants furent vraiment éprouvés et secoués très durement. C'est donc à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu en aide aux musulmans et qui les a secourus, un nombre considérable de mécréants. Et voilà comment Allah les décrivit: min fawqikum wa min asfala minkum, de toutes parts. Les polythéistes de la tribu de Quraysh et d'autres polythéistes arabes très nombreux venant de diverses contrées s'étaient ainsi réunis pour anéantir et exterminer les musulmans et les assaillir dans la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina, à Médine. Mais le grand nombre des mécréants était insignifiant face à la foi des croyants et leur confiance qu'ils avaient en Allah Azza wa Jalla, qu'il caractérisa à travers sa parole. Et quand les croyants virent les armées ennemies, ils dirent: voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager avaient dit vrai, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Et il les a également décrites par sa parole: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels on avait dit: les gens se sont certes rassemblés contre vous, craignez-les donc. Mais cela ne fit qu'augmenter leur foi, et ils dirent ainsi: Allah nous suffit, et il n'y a pas meilleur garant. Ainsi, ce grand nombre, c'est-à-dire celui des polythéistes, s'est avéré pitoyable face à la force de la foi des musulmans. De même que malgré leur infériorité numérique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et Allah vous a certes donné la victoire à Badr alors que vous étiez en position de faiblesse. Craignez donc Allah afin que vous soyez peut-être reconnaissants. Et il a aussi dit: وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ الليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant d'être capturés par vos ennemis, il vous donna alors asile, vous raffermit et vous renforça à l'aide de son secours, et il vous attribua de bonnes choses, afin que vous soyez peut-être reconnaissants. De même qu'il a dit, « Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah, wallahu ma'as-sabirin. » Combien de troupes peu nombreuses ont, par la grâce d'Allah, vaincu des troupes plus nombreuses qu'elles, et Allah est avec les endurants. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. S'il y avait parmi vous 20 personnes endurantes, ils en vaincraient alors 200 de vos ennemis. Et s'ils étaient 100, ils en vaincraient alors 1000 parmi les mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Quant à vous, vous étudiez et comprenez la religion. Un groupe qui bat un autre groupe 10 fois plus nombreux qu'eux, il s'agit là d'une promesse venant d'Allah. On en déduit donc, et avec certitude, que la victoire n'est pas facteur du grand nombre, ni non plus que la défaite est forcément due à une infériorité numérique, mais on en tire plutôt comme enseignement que cela fait partie des préceptes de la religion islamique, que celui qui s'y sera fermement accroché, Allah lui donnera la victoire. En revanche, quiconque s'en sera éloigné et aura négligé son application, Allah le délaissera. Ainsi, la victoire est relative à l'attachement que les gens ont pour leur religion. Allah soutient certainement ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et Allah a aussi dit, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Si vous faites triompher la cause d'Allah, alors Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, Allah les accablera d'un malheur et il rendra leurs œuvres vaines. Allah les a accablés d'un malheur, c'est-à-dire les mécréants, et il a rendu leurs œuvres dérisoires. Nous apprenons ainsi que la raison qui explique la faiblesse des musulmans aujourd'hui et leur débâcle, de même que l'emprise des mécréants sur eux, est la nature de leurs actions qu'ils accomplissent de leurs propres mains à leur détriment. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint n'est dû qu'à ce que vos mains ont accompli, et Allah pardonne beaucoup. Et la preuve dans ce verset est que cela n'est le fruit que de leur faible attachement à l'islam. Ainsi, lorsqu'ils s'étaient ramollis dans leur pratique de la religion, Allah a envoyé sur eux un ennemi étranger. Et c'est le rituel d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs que si les musulmans venaient à s'affaiblir dans leur pratique de la religion, il les éprouve et les purifie. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Il en est ainsi. Et la preuve de cela tirée de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa tradition, est ce qui a été authentiquement rapporté par Al-Hakim d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les muhajiroun, c'est-à-dire les Mekkois qui avaient immigré de la Mecque à Médine, je vous mets en garde contre 5 choses. Si vous venez à être éprouvés par elles, et je demande à Allah qu'il vous préserve de les atteindre, la perversité ne cessera d'être apparente dans une communauté au point d'être manifeste, jusqu'à ce qu'il se propage en son sein des épidémies et de douloureuses maladies qui n'existaient pas dans les communautés précédentes. Et les gens ne cesseront d'être malhonnêtes lors du pesage des denrées alimentaires, jusqu'à ce qu'ils soient pris d'une sécheresse et de disette, et qu'ils soient gouvernés par un tyran. Et les gens ne cesseront de ne pas s'acquitter de la zakah, l'aumône obligatoire, jusqu'à ce que la pluie ne soit retenue de tomber. Et les gens ne cesseront de rompre leur engagement avec Allah et son messager, jusqu'à ce que les musulmans ne soient sous l'emprise de leurs ennemis et que ces derniers ne prennent possession de certains de leurs biens. Et les gouverneurs ne cesseront de juger selon des lois autres que celles d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah jette leur mal au sein de leur communauté. Ô vous les musulmans, méditez sur le dernier passage de ce récit prophétique, de même que dans son intégralité, car c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui avec les mécréants qui engloutissent les ressources des musulmans, témoignant de leur domination qu'ils ont sur eux. Tout cela à cause de l'annulation de l'engagement qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait pris d'eux concernant l'établissement et l'accomplissement de l'unification de son adoration, c'est-à-dire du tawhid. Wa laqad akhadha Allah mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Et Allah prit certes l'engagement des enfants d'Israël et nous désignâmes parmi eux 12 chefs. Et notre preuve ici dans ce verset est qu'il avait pris d'eux l'engagement. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Et quand ton Seigneur prélève des lombes des fils d'Adam leur descendance et qu'il les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: oh que si. Voilà donc l'exposition du tawhid, cette nature saine qu'Allah a établie chez ses serviteurs, les êtres humains, que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Ainsi, dès lors que les gens faillirent au niveau de l'unification d'Allah dans leur adoration, à laquelle il les avait jadis prédisposés, l'annulation de l'engagement qu'il y avait entre les gens et leur Seigneur se produisit. Et un autre type de pacte a aussi été annulé, et il s'agit des pactes qui lient les hommes entre eux. En effet, les musulmans ne respectent pas aujourd'hui leur engagement. Ils violent les clauses de leurs contrats et leurs accords, allant même parfois à les rompre illégalement. Ils ne tiennent pas aussi leurs promesses et mentent, et ont bien d'autres mauvais agissements encore qui les ont conduits à tomber sous l'emprise des mécréants. Parfaitement, toutes ces choses qui se passent entre les musulmans, comme manque de véracité, d'honnêteté et de sincérité, et surtout leur manquement à leurs devoirs religieux, ont été la cause de la domination des mécréants sur eux. Donc il est inutile que les musulmans se perdent sur la question concernant les origines de l'emprise que les mécréants ont sur eux, mais ils devraient plutôt orienter leur réflexion sur leur propre personne et se remettre en question. Et il faut qu'ils se réforment et corrigent leurs erreurs, et qu'ils s'éduquent selon les enseignements tirés du livre d'Allah, le Coran, ainsi que de la sunna de son message sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tout malheur qui vous atteint n'est dû qu'à ce que vos mains ont accompli, et Allah pardonne beaucoup. L'emprise des mécréants sur les musulmans et l'autorité qu'ils ont sur eux ne sont la conséquence que de l'augmentation des péchés des musulmans. Car certes, les musulmans se surenchérissent concernant le riba, l'intérêt usuraire, la zina, la fornication, et aussi concernant la perversité et l'alcool, et bien d'autres péchés encore que nul n'est en mesure de recenser, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Cela malgré qu'ils jeûnent et prient et qu'ils accomplissent d'autres bonnes œuvres de façon apparente, mais qu'ils ne réalisent pas au fond d'eux-mêmes. Ainsi, l'état des musulmans était tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rabaissa relativement à leurs péchés, comme indiqué dans sa parole azza wa jalla: walladhina kasabu as-sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, sachez alors que la rétribution d'une mauvaise action sera équivalente au péché commis, et un avilissement les couvrira. Certes, les musulmans ont outrepassé les limites établies par Allah azza wa jalla, au point que beaucoup d'entre eux méritent sûrement d'être avilis. Allah azza wa jalla a dit: inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, ceux-là seront parmi les plus humiliés. Ainsi, de la même façon que les mécréants ont été humiliés, quiconque se sera opposé à Allah azza wa jalla sera humilié, et qu'importe son degré d'opposition, oulaïka fil adallin, ceux-là seront parmi les plus humiliés. Certes, les bid'ahs, les innovations religieuses, se sont propagées chez les musulmans, et elles y sont fortement présentes en leur sein, ce qui a causé la dégradation de leur état, car les innovations religieuses sont la preuve de l'incroyance de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa parole: inna alladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Ceux qui ont pris le veau comme divinité, c'est-à-dire le peuple de Moussa, les juifs, une colère venant de leur Seigneur s'abattra bientôt sur eux, et un avilissement dans la vie présente. C'est ainsi que nous rétribuons les menteurs. Alors quiconque aura apporté un mensonge sur Allah Azza wa Jalla à travers une parole ou un acte, tout en l'ayant apparenté à la religion, par le biais d'une bid'a ou les médias ou autres, eh bien sachez alors que tout cela mène au rabaissement des muslimounes et ne fait qu'accroître la domination des mécréants sur eux. Les muslimounes, aujourd'hui, ne portent pas d'attention à l'éducation religieuse et à la purification de leur rang. C'est pour cela que les mécréants ont jeté leur emprise sur eux, comme nous l'expose le récit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa parole. On craint pour vous que les communautés vous tombent dessus, comme le manger est versé dans le plat. Les compagnons dirent, ô messager d'Allah, serons-nous en petit nombre ce jour-là? Il répondit, non, vous serez ce jour-là nombreux, mais vous serez comme l'écume d'un torrent, car Allah vous aura ôté votre charisme et aura mis la faiblesse dans vos cœurs. Et le sens de cette parole est que si les musulmans ne s'éduquent pas religieusement et ne réforment pas leurs croyances et négligent la purification de leur rang, comme cela est d'actualité aujourd'hui, la situation sera telle pour eux qu'elle a été rapportée dans le récit précédemment cité. Et c'est pour ces raisons que certaines sectes ont réussi à s'introduire au sein de la communauté, comme les communistes, les athées, les francs-maçons et bien d'autres encore parmi les hypocrites zanadiqa, ces gens qui s'apparentent à l'islam alors qu'ils ne sont en réalité que des apostats qui sèment les troubles et le désordre dans la communauté et qui l'affaiblissent. Tout cela à cause de l'absence de purification de leur rang et l'éducation correcte des gens selon les enseignements de nos pieux prédécesseurs. Voilà de quoi il est sujet dans le récit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez ce jour-là nombreux, mais vous serez comme l'écume d'un torrent. Et l'expression l'écume d'un torrent ne fait pas référence aux musulmans pieux, pas du tout, mais il s'agit plutôt des rebuts de la société islamique. Donc l'écume fait référence ici à ce genre de personnes parmi les musulmans qui pourrissent notre communauté de l'intérieur à cause de leur égarement, leur mauvaise pratique du culte et leur mauvais agissement. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Si les hypocrites étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter troubles et désordre en votre sein et jeter la dissension dans vos rangs. Ils cherchent à créer la discorde entre vous et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer le discorde dans vos rangs et à embrouiller des affaires au doigt Mohammed jusqu'à ce que devint la vérité et que le commandement d'Allah triompha en dépit de leur hostilité. Certes, les musulmans se sont enracinés dans cette dunya, cette vie d'ici-bas éphémère avec excès, ressemblant ainsi aux mécréants. Et c'est là une des plus grandes causes et une des bases de la domination de l'emprise des mécréants sur eux. Comme Allah Azza wa Jalla nous en a informé au sujet du peuple de Moussa alayhi salam, qui a dit « Fad'ou lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu l'ardu min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وذربت عليهم الظلة والمسكنة. Invoque en notre faveur ton Seigneur afin qu'il fasse sortir pour nous de ce que la terre fait pousser comme légumes, concombres, ail, lentilles et oignons. Moussa alayhi salam répondit, échangeriez-vous le meilleur pour le moins bon? Allez donc en ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent alors sur eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont enracinés sur cette terre, ils réclamèrent de ses biens. Il en est ainsi. Dhuribat alayhim adh-dhillah aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah. Ils furent frappés d'avilissement où qu'ils se trouvèrent, à moins d'un secours providentiel provenant d'Allah ou des gens, et ils ont encouru la colère d'Allah. Certes, les musulmans se sont trop opposés au commandement de leur religion, ce qui les a conduits à être avilis, ainsi qu'à ce que soit renforcée l'autorité et la suprématie des mécréants sur eux. Il a certes été rapporté dans le récit de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné la victoire par l'épée avant l'arrivée de l'heure de la fin des temps, et ma subsistance m'a été accordée sous l'ombre de ma lance, référence faite au butin des Razawat. Et celui qui aura contre contredit mes commandements ou s'il sera opposé sera humilié. Et quiconque aura ressemblé à un peuple en fera partie. Et cela est strictement observé que celui qui n'aura pas respecté les prescriptions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'humiliera, que cette humiliation aura été faite par le biais d'un mécréant ou de Shaitan, le diable, ou encore par le biais de ses passions et un penchant pour la vie présente, jusqu'à devenir un esclave soumis à un autre qu'Allah azza wa jalla, comme indiqué dans le précédent récit. Et celui qui aura contredit mes commandements ou s'y sera opposé sera humilié. Et du même sens que ce récit, et c'est aussi son origine, il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent au commandement du messager d'Allah prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et parmi ce qui fait partie du douloureux châtiment, il y a l'emprise des mécréants, parfaitement par Allah. Parmi les fitnes, les épreuves et les troubles, il y a le fait que les mécréants aient autorité sur les musulmans et qu'ils subissent leur domination et qu'ils les rabaissent aussi. La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimma. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni lien de parenté ni pacte conclu. Et les mécréants n'ont pas de bonté envers les musulmans. Ainsi, certains d'entre eux se font tuer injustement, d'autres sont faits prisonniers et d'autres encore se font massacrer et exterminer. Ils bafouent l'honneur des musulmans et ils engloutissent leur argent et leurs biens. Et ils font bien d'autres choses encore, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé à leur sujet, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous pouvons le constater aujourd'hui de nos propres yeux. Oh vous les gens, lorsque les musulmans se sont éloignés de leur religion, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont éloignés de sa pratique correcte et originale, l'humiliation s'est abattue sur eux. Et il est question ici de l'islam, la religion d'Allah. Donc toute personne qui s'y sera fermement accrochée, Allah l'honorera. Tandis que quiconque s'en sera écarté, Allah l'humiliera. Et il a été rapporté dans le récit d'Al-Miqdad radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam se propagera assurément. Et Allah ne laissera aucune maison ni village sans qu'il y fera entrer cet islam, soit les gens en seront honorés, ou soit ils en seront humiliés. Quelqu'un qu'Allah honorera parce qu'il aura adhéré à l'islam et se sera soumis, ou bien quelqu'un qu'Allah humiliera pour s'en être opposé. Toute cette affaire est relative à l'attachement que les musulmans ont pour leur religion. Ainsi, s'ils s'y attachent fortement, Allah Azza wa Jalla leur fera honneur et les rendra puissants sur terre. Et cela ne sera aucunement en relation avec un quelconque grand nombre, ni même avec une forte puissance de frappe. Donc le fondement primordial est l'attachement à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Et ton Seigneur révéla aux anges: je suis certes avec vous, raffermissez donc les croyants, je vais jeter la peur dans les cœurs des mécréants, frappez-les donc au-dessus de leur cou et frappez-les au bout de leurs doigts. Et il a aussi dit: وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Et la victoire ne provient que d'Allah le Tout-Puissant, le Sage. Voilà la conclusion concernant ce point très important, à savoir que l'emprise que les mécréants ont sur les musulmans n'est due qu'à l'engourdissement des musulmans et leur négligence quant à leur pratique de la religion. N'avez-vous pas dit, après avoir subi un revers de bataille, alors que vous en aviez jadis infligé à vos adversaires le double, pourquoi avons-nous subi cette défaite? Réponds-leur au doigt Mohammed: cela ne provient que de vous-même. Allah est certes capable de tout. Tout malheur qui vous atteint n'est dû qu'à ce que vos mains ont accompli, et Allah pardonne beaucoup. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Il a été établi d'après le récit de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous serez trop occupé par vos commerces, la culture de vos champs et l'élevage de votre bétail, et que vous délaisserez le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, alors Allah abattra sur vous l'humiliation qu'il ne retirera que lorsque vous reviendrez à votre religion. Voici donc trois catégories de personnes. des gens qui seront trop occupés par leur commerce, des autres qui seront trop occupés par la culture de leur champ, et d'autres qui seront trop occupés par l'élevage de leur bétail. Allah Azza wa Jalla les affligera alors tous d'un avilissement dont ils n'en sortiront que lorsqu'ils retourneront réellement à leur religion. Et effectivement, le fait d'exagérer dans l'occupation de ces affaires mondaines au détriment de la pratique de la religion d'Allah Azza wa Jalla et du fait d'informer du véritable état des mécréants et des polythéistes, de même que d'exposer au grand jour leur vraie nature, nuit aux muslimounes et les rabaisse proportionnellement à leur éloignement de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur attachement à cette dunya. Et parmi ce qui a causé la faiblesse des muslimounes, il y a le fait qu'ils ne s'instruisent pas au sujet de leur religion, ni ne l'étudient. Ainsi, plus la personne sera éloignée et ignorante au sujet des préceptes et des rites de la religion d'Allah, plus elle risquera de s'égarer et de se faire embarquer par n'importe qui. Par contre, celui qui se sera renseigné à propos de sa religion, alors ce sera là un signe qu'Allah lui veut du bien. Aussi, lorsqu'Allah, Azza wa Jalla, nous exposa que 20 croyants étaient en mesure de rivaliser avec 200 mécréants et que 100 croyants rivalisaient avec 1000 mécréants et qu'il dit bi annahum qawmun la yafqahoun, car les mécréants sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Allah nous a donc exposé que le fait d'étudier la religion d'Allah fait partie des causes qui font triompher les musulmans. Également, parmi ce qui a le plus causé la décadence chez les musulmans, il y a leur ressemblance aux mécréants, car cela témoigne d'une faiblesse dans leur personne, car le fait qu'ils recherchent à leur ressembler dans leur apparence et leur intérieur dévoile de la part des musulmans une faiblesse évidente en eux-mêmes. Donc si tel est le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Et celui qui aura contredit mes commandements ou s'y sera opposé sera humilié, et quiconque aura ressemblé à un peuple en fera partie ». Aussi, parmi les causes qui expliquent l'avilissement que subissent les musulmans et l'autorité que les mécréants ont sur eux, il y a leur arrogance et la haute estime qu'ils ont de leur propre personne, le tout associé à une absence de jugement personnel juste et de remise en question sincère selon les enseignements du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Quiconque aura recherché la notoriété à travers le port d'un vêtement, Allah l'habillera du vêtement de l'humiliation le jour de la résurrection. » Donc cela sera une des causes d'avilissement le jour du jugement dernier. Et ce qui cause l'avilissement dans l'au-delà a de l'incidence avant tout dans ce bas monde. Donc celui qui sera humilié le jour de la résurrection le sera avant tout dans la vie présente. Bien que la chaîne de transmission du récit précédemment cité révèle quelques défaillances, d'autres récits témoignent néanmoins de son authenticité. Et les arguments se succèdent donc, prouvant que ce qui arrive aux musulmans ne cessera que par un repentir sincère de l'ensemble de la communauté. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, peut-être récolterez-vous le succès. Allah Azza wa Jalla a dit, lorsqu'il informa de l'histoire des gens qui possédaient un jardin et de ce qui leur était arrivé, كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tel est le châtiment d'Allah sur terre, et celui de l'au-delà est bien plus grand encore si seulement ils savaient. Donc, ce qu'il arrive actuellement aux musulmans n'est dû qu'à leur péché et à leur éloignement de la religion, de même que l'absence de mise en pratique du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, on craint qu'Allah châtiera beaucoup de gens le jour du jugement dernier à cause de leur détournement de la religion, chacun selon son propre cas. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous le ressusciterons aveugle. Lors du rassemblement il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, nos signes t'étaient certes venus mais tu les avais oubliés, ainsi aujourd'hui c'est toi qui es délaissé. Quant à celui qui agira réellement selon le Coran et la Sunna et les préceptes islamiques clairs, alors Allah تبارك وتعالى أسرته دي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Puis nous t'avons mis sur la voie droite selon notre ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, ils ne te seront d'aucune utilité face à Allah, et les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Nous demandons à Allah Allah Azza wa Jalla de nous préserver du désordre et des troubles apparents et cachés, et qu'il nous fasse mourir dans l'islam et la sunnah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.